W tropikach, w trójce. Shake your body down to the ground. Let's popularny w tropikach.

Tropikach w Trójce. J'ai toujours eu la manie de jamais faire ce qu'on me dit, même sans raison. J'ai l'esprit de contradiction, cette envie indomptable de faire l'avocat du diable. Mais dans la vie, c'est pas pratique quand faut être gentil et sympathique. J'ai une montée irrésistible de balancer des trucs horribles. En amour, c'est pareil, faut promettre mon émerveil. On se donne des petits noms doux, toi c'est pépette et moi chouchou. Et là, on se rend compte que bon. Faut vraiment la honte, et même si on accuse le coup, on sait que c'est rien, puis qu'après tout, quand on se croisera au creux d'un lit, moi si tu veux me faire envie, dis-moi des mots dégueux, des idées crades et des trucs foireux qui me rendent malade. Fais-moi vibre, fais-moi frémir, que je serre les dents à en mourir. Allez, raconte-moi des histoires horribles, crache donc tes idées noires, qu'on se chamaille, qu'on se mette ivre. Ouais, mon amour, qu'on se sente vivre. Même la chanson française devient si niaise qu'on dirait la secte du politiquement correct. Si t'es pas trop vulgaire là, ok, tu passes sur France Inter. Oui, mais à force de bander mou, toutes leurs chansons ne valent pas un clou. Brassens Ferré, toute cette bande d'anards, aujourd'hui ils seraient tricards. Dis-moi des mots dégueux, des idées crades et des trucs foireux qui me rendent malade. Fais-moi vibre et fais-moi frémir, que je serre les dents à en mourir. Allez, raconte-moi des histoires horribles, crache donc tes idées noires, qu'on se chamaille, qu'on se mette ivre. Ouais, mon ami, qu'on se sente vivre. Dans ce monde aseptisé, vaut mieux profiter qu'il n'y ait pas encore une loi qui t'oblige à être sympa. Si tu veux te faire du bien, vas-y, ça coûte rien. Dis-moi des mots dégueux, des idées crates, des trucs foireux qui me rendent malade. Fais-moi vivre et fais-moi frémir, que je serre les dents à en mourir. Allez, raconte-moi des histoires horribles, tâche donc tes idées noires, qu'on se chamaille, qu'on se mette ivre. Ouais, mon ami, qu'on se sent vivre. Dis-moi des mots dégueux, des idées crates, des trucs foireux qui me rendent malade. Fais-moi vivre et fais-moi frémir, que je serre les dents à en mourir. Allez, raconte-moi des histoires horribles, tâche con, tes idées noires, qu'on se chamaille, qu'on se mette ivre. Ouais, mon ami. La noche tiende tu beso, tu negro beso y tú vas luciendo tu dulce dul. Retorna otra vez mi amor pasional, la tenue luz de la luna controla tu cuerpo angelical. Yo no pienso en nada, nada, yo no pienso en nada, ya que mi mente ardiente está. Polarny w Tropikach w Trójce. Tak, oto pięknie gra Tim Maia, legenda brazylijskiej muzyki lat 70. Chwilę wcześniej kolumbijską salsę zaprezentował inny znakomity muzyk tamtego okresu, Joe Arroyo. Zamykamy zaś kolejnym wielkim talentem zeszłego stulecia, muzykiem o pseudonimie Bonga, pochodzącym z Angolii i reprezentującym tamtejszy folk i styl semba. W ten sposób kończymy naszą dzisiejszą tropikalną podróż po świecie. Zapraszam ponownie za tydzień. Grał dla Państwa z Brazylii Mike Polarny. Mengondo yamye, mona mona mwenye, weza Mona mona mwenye Kangamba Mona mona mwenye se